À quoi bon se dire qu'il faudrait vivre ailleurs? Et faut-il souffrir pour avoir trop bonheur? À quel âge faut-il embrasser les garçons? Et faut-il chanter à la maison? À qui dois-je poser mes questions? J'ai peur de perdre ma raison. À quoi bon se dire qu'on va vieillir? Et faut-il fumer plus que de raison? J'ai des envies de briser ma vie si personne ne voit qui je suis. À qui dois-je poser mes questions? J'ai peur de perdre ma raison. À qui donner mon affection? Je meurs dans ma prison. Je meurs dans ma prison.